elle fuit de partout. Mais elle est à nous. Banal. La piscine au fond du rat, un coin de paradis dans un monde malade. Y'a même un ours qui chill avec nous, le rat mais version bambou. La piscine au fond du rat, le seul endroit où t'es safe du bad. La rouille brille sous le couchant,